Alors, il est passé 18h et quelques secondes et Futur Simple se poursuit sur CKRL au 89,1. On va s'intéresser maintenant à cette éruption solaire qui s'est déclenchée il y a quelques jours. Notre chroniqueuse Mélanie Jean va faire le point sur cet événement et les éventuels dangers et problèmes que cela peut entraîner. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, l'éruption solaire qui a eu dans la nuit de dimanche le 22 au lundi 23 janvier peut sembler intéressante, mais ne rivalisera tout de même pas avec celle qu'on a eue en 1989 qui avait provoqué au Québec, plusieurs s'en souviendront, et même dans le nord-est des États-Unis. Moi-même, je m'en souviens, je l'avais vu. Il y avait eu une panne générale pendant 9 heures. Et moi, je m'en souviens pas vraiment là, parce que j'étais pas mal jeune. Mais il y avait aussi des aurores boréales. Et hollywoodien. Ah, j'imagine, parce que c'est pas mal la conséquence la plus visible qu'on voit quand il y a des éruptions solaires de cette ampleur-là. Mais ça rivalisera pas non plus avec celle qui est arrivée, celle-là, je doute que nos auditeurs s'en rappellent, en 1859, la plus violente qui a été jamais enregistrée avait généré des surtensions sur le réseau télégraphique et il y a eu même des incendies à cause de ça en Amérique du Nord. Donc, c'était une éruption énorme. On n'a jamais enregistré quelque chose de plus gros là, jusqu'à maintenant. Mais c'est tout de même une tempête qui était importante. Le flux de protons dans l'espace interplanétaire était particulièrement intense. Et en fait, c'était le plus élevé depuis 2005. Et l'éruption a projeté un nuage de plasma à la vitesse de 6,4 millions de km/h. Et la tempête géomagnétique induite, elle a été classée au niveau 3 sur une échelle de 5. Donc, on peut dire que c'est assez important. Ouais. Et notre astre solaire, on le sait, a ses hauts et ses bas qui suivent des cycles d'environ 11 ans et entre deux pics d'activité. Il émerge actuellement d'un long sommeil qui a atteint son niveau le plus profond entre 2008 et 2010. Et il va atteindre son paroxysme en 2013. C'est la prédiction des astronomes pour l'instant. Okay. Et durant ces périodes d'effervescence, ben on remarque de nombreuses taches qui viennent un peu ternir par endroits le soleil. Et paradoxalement à ça, ça reste globalement... Le soleil va devenir comme plus brillant. Uh-huh. C'est un peu bizarre. À la surface, il devient plus brillant, mais il y a plus de taches sombres. En tout cas, c'est particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces taches-là sont la manifestation d'un champ magnétique très agité qui remonte par endroits des tréfonds de l'astre solaire et atteint sa surface, qui forme alors une zone d'ombre et d'activité intense. Et le champ magnétique du Soleil s'ancre dans un espèce de gaz brûlant à des températures d'environ 6000 degrés et ça évolue dans un mouvement perpétuel comparable à une ébullition. Il est parcouru de particules électriquement chargées, de protons ou d'électrons. Et l'énergie qui s'y emmagasine peut brusquement se libérer dans une grosse explosion et créer un gaz encore plus brûlant qui peut atteindre une dizaine de millions de degrés. C'est énorme, c'est plus que le four à la maison. C'est ce qui s'est passé lundi. Et est alors éjecté dans l'espace une partie de la masse solaire qui est accompagnée d'un champ magnétique qui lui est propre. Et celui-ci arrive entre un à deux jours plus tard sur Terre, c'est-à-dire aux alentours de mardi, le 24 janvier. Oui, je pensais que ça voyageait plus vite que ça. Moi, on est à 8 minutes-lumière du Soleil. Et moi, je pensais que ça prendrait peut-être quelques minutes de plus. Mais c'est un avantage parce que si jamais il y a quelque chose qui s'en vient, on a à peu près deux jours pour se réagir. Préparer. C'est ça. Et fort heureusement pour nous, les Terriens, on est protégés de ces bombardements en majeure partie à cause d'une double enveloppe, la magnétosphère et l'atmosphère. Et les détecteurs de particules au sol n'ont pour le moment mesuré aucune activité anormale. Toutefois, des particules énergétiques solaires peuvent s'introduire dans les régions polaires, parce que c'est un peu plus aminci, là, on comprend dire les couches de protection. Et le champ magnétique de l'astre, en se couplant avec son homologue terrestre, provoque des instabilités qui forment, comme tu l'as dit au début, de magnifiques aurores boréales. Mais est-ce que ces tempêtes solaires peuvent avoir d'autres conséquences que la formation d'aurores boréales? Les particules solaires peuvent avoir des conséquences autrement plus fâcheuses que les aurores boréales, notamment en déréglant les systèmes informatiques des satellites et donc en perturbant les systèmes de communication qui en dépendent. On a on a déjà perdu plusieurs satellites de cette façon-là, puis à ce moment-là, ils ne parvenaient plus à bien interpréter leurs commandes. On perdait le contrôle, en fait, du satellite. En fait, ad vitam aeternam, c'est ça? Je pense que oui. Okay. Puis, par ailleurs, la ionosphère, qui est environ à 80 km au-dessus de nous, est utilisée pour les transmissions radio. Oui, notamment la transmission des ondes courtes. Exactement. Et ça peut être également touché. Donc, c'est une zone qui est sensible à ça aussi. Et il y a des problèmes de communication qui peuvent alors survenir sur des lignes aériennes proches des pôles aussi. C'est arrivé en 2005, il y a des avions qui volaient au-dessus de la région polaire. Ils ont dû être redirigés. Parce qu'on on craignait là, que ça pourrait peut-être faire des interruptions, ou pas des turbulences, mais des interférences. Et les tempêtes géomagnétiques peuvent avoir aussi des effets insoupçonnés. En juin, l'Organisation pour la coopération et le développement économique notait que ce type d'aléa météorologique consécutif à une éruption solaire, ça faisait partie de quelques risques majeurs qui sont susceptibles de perturber l'économie mondiale. Donc là, on va un peu loin. De plus en plus intégré, le système économique et notamment les marchés financiers, ils reposent sur des technologies de l'information et de l'informatique et dépendent des satellites. Donc, on peut imaginer les conséquences désastreuses d'une panne majeure de tous nos satellites et même du réseau d'électricité. Mais finalement, est-ce qu'il y a des dangers pour nous? En fait, serions-nous exposés à une forme de radiation quelconque lors de ces tempêtes magnétiques du Soleil? En fait, s'il n'y a à peu près aucun risque d'être criblé de protons, on pourrait dire, tant qu'on reste sur le plancher des vaches, il n'y en est pas de même, par exemple, pour les personnes qui voyagent en avion dans les régions polaires et pour les quelques humains qui, chanceux, évoluent hors du cocon atmosphérique. je parle de ceux qui, du personnel de la Station spatiale internationale. Bien sûr. C'est situé, pour vous donner une idée, c'est environ à 500 km de la Terre. Mm-hmm. Et bien qu'ils soient toujours sous la protection de la magnétosphère, ça s'étend jusqu'à 40 000 km autour de la Terre. Bon. Donc, c'est beaucoup plus que l'atmosphère. Bien, ils subissent tout de même de fortes radiations. Mais il y a un porte-parole de la NASA qui a indiqué que des experts ont étudié la question et ont décidé qu'aucune mesure ne devrait être prise par les 6 astronautes de la Station spatiale internationale pour se protéger. Donc, ils n'auront pas besoin de se réfugier dans le fameux petit compartiment spécialement prévu, et oui, ça existe, pour les protéger contre cette possibilité. Donc, ils n'ont pas besoin, cette fois-ci, c'est correct. Okay. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, c'est comme plutôt une bourrasque, c'est pas vraiment un orage sérieux. D'accord. Donc, il n'y avait pas de danger, là, la NASA... elle n'avait rien à craindre pour ses astronautes. Et ils auront plutôt droit à un spectacle hors du commun. Nous, en fait, pas les astronautes, mais nous, on va plutôt avoir droit à un spectacle hors du commun, surtout pour les gens qui habitent un peu comme ici ou encore dans les plus hautes latitudes. Il va y avoir une recrudescence des aurores boréales et on a même entendu parler, j'ai vu à la télé quelqu'un de la Gaspésie même qui avait réussi à en photographier. Ah oui? Puis c'était vraiment très joli, puis beaucoup plus voyant et visible que la normale. Parce que sûrement. Il y avait beaucoup d'activités là, cette semaine. Et est-ce qu'il n'y a aucune inquiétude à y avoir pour nos satellites aussi? Côté communication, toutefois, on ne s'attend pas à un impact majeur sur les satellites. Les experts surveilleront toutefois les effets de la tempête jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Puis ils prévoyaient qu'elle finirait soit hier, aujourd'hui, dans ce coin-ci. Donc, les GPS sont surveillés parce que ceux-ci qui étaient très rares lors de la dernière tempête solaire sont devenus très omniprésents. Quoi qu'il en soit, les experts disent que c'est un événement qu'on pourrait dire de routine. Donc, pas à s'inquiéter. On n'est pas dans la prédiction apocalyptique de la fin du monde en 2012. Hein? Non. C'est seulement le cycle solaire qui recommence. Là. C'est juste normal. Puis on n'a pas fini d'en voir d'autres. Puis probablement même des pires que ça sur nous. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à des cataclysmes. Ce qui se passe présentement, c'est dans l'ordre des choses. C'est une tempête qui est tout à fait normale. On en a vu, puis on va en avoir d'autres. Donc, la seule chose à faire, c'est scruter le ciel. Vous verrez peut-être un magnifique spectacle, mais qui est tout à fait inoffensif. Alors, il ne reste plus qu'à trouver un coin de ciel sans lumière pour pouvoir profiter de ce spectacle. Oui. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, on fait une petite pause musicale, toujours sur CKRL au 89,1.